cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je n'ai fait que passer, et dans la nuit je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. Les plus grandes chansons des années 60 sont sur Nostalgie Best of 60s. On a winner's day, life is safe and full.

Nostalgie, une demi-heure sans interruption avec les chansons de vos légendes. I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. Happiness and your warm caress, no plus grandes chansons des années 60 sont sur Nostalgie Best of 60s.

the clown. Oh, oh, said the clown. As the king of the crown is the knight being tied on romance. Is it bringing me down that you lost your chance?